Imagine présente l'histoire du mouvement zapatiste. Le 12 octobre 1492, un certain Christophe Colomb mettait soi-disant le pied sur un soi-disant nouveau monde et découvrait ainsi ce qui allait devenir les Amériques. Depuis, cette date du 12 octobre est devenue une date de lutte des peuples autochtones des Amériques. Et à cette occasion, le CSPCL, le Comité de soutien au peuple du Chiapas en lutte de Paris, ainsi que le CSIA, le Comité de solidarité avec les Indiens des Amériques de Paris aussi, organisait à la Parole errante à Montreuil, les 11 et 12 octobre 2025, deux journées Decolonize, Indigenize, avec mon accent. Donc, journée internationale de solidarité avec les peuples autochtones des Amériques. C'était quelque temps avant l'ouverture de la COP 30 au Brésil et le programme était assez fouillé et il y avait pas mal de choses, que ce soit de la solidarité avec Léonard Pelletier, il y avait des représentantes du peuple Mapuche de Patagonie en Argentine, du peuple Kalina en Guyane, du peuple Kanak, enfin pas mal de monde. Et à cette occasion, il y a eu beaucoup de choses, dont des films, voilà, pas mal d'échanges. C'était riche et intéressant ce moment. Il y a eu différentes émissions de radio faites sur place par la radio La Parole Errante. Et il y a eu une table ronde qui s'intitulait « Expérience rebelle et autonome zapatiste ». Cette table ronde retraçait l'histoire du mouvement zapatiste jusqu'au voyage des zapatistes en Europe en 2021. Nous allons donc écouter cette table ronde en grande partie. Cette table ronde était animée par deux personnes du CSPCL, donc le Comité de soutien au peuple du Chiapas en lutte, Élise et Paul, et ainsi que Julia qui, elle, participe au collectif de traduction Flore de la Palabra, ainsi qu'à la coordination des femmes de la Sexta dans l'autre Europe et en Abya Yala. On commence avec Élise qui nous raconte l'histoire, voire la préhistoire du mouvement zapatiste. On m'a confié la mission de vous plonger dans les débuts, les tout débuts de construction du mouvement zapatiste. Nous sommes donc en novembre 1983, ça commence à faire un moment, moi j'étais pas née. Et là, ce qu'on nous dit, on est dans une époque de témoignages, qu'on reconstruit à partir des témoignages, puisque évidemment, il n'y a pas d'archives du mouvement zapatiste au moment où il va se former dans la jungle. Et donc, ce qu'ils racontent, eux, c'est la formation d'un mouvement avec une douzaine de personnes, six qui sont plutôt mestizos, ou en tout cas non indigènes, et six indigènes dans la forêt de Lacandon, donc dans la jungle, qui se situe au sud-est du Mexique, pas très loin de la frontière avec le Guatemala. Et sans doute, ils arrivent là dans l'idée au départ de fonder un foyer de guérilla, comme ça existe en Amérique latine, comme ça existe à vrai dire au Mexique. Puisque dans les années 70, dans l'état du Guerrero, qui est donc vraiment pas très très loin du Chiapas, il y a Oaxaca entre les deux, la guérilla existait, était vraiment absolument active dans les zones rurales. Donc ils arrivent sans doute avec cette idée-là. Il ne vous aura pas échappé que ce n'est pas exactement ce qui se passe depuis 40 ans au Chiapas. Et si on continue dans la ligne de leurs témoignages, de ce qu'eux nous disent, de ce qu'ils ont vécu, ils se sont donc introduits auprès des gens qui habitaient là. Et puis ils ont fait leur travail, qui était un peu, on pourrait appeler ça de la formation politique, vous voyez, d'expliquer à travers des éléments de marxisme, des éléments de théorie, de compréhension de la pauvreté, des inégalités, du mépris que vivaient ces populations. Bon, et puis figurez-vous qu'ils n'ont pas trouvé des gens qui en fait ne savaient rien et qui avaient besoin qu'on leur explique la vie. Et ils disent eux-mêmes, pour reprendre leur formule, qu'ils se sont laissés gagner par la manière de faire de ces indigènes qui étaient là. Alors peut-être on peut prendre plusieurs éléments de ce par quoi ils se sont laissés gagner. D'abord, ils ont décidé de s'appeler zapatistes. Parfois, dans la littérature aujourd'hui, on trouve néo-zapatiste, parce qu'en fait, Zapata, c'est pas en 94. Zapata, c'est une référence au moment de la révolution mexicaine. Là, ça nous remonte bien en arrière. On se remet dans le Mexique de 1917. La révolution mexicaine, c'est donc pas l'indépendance. Hein. Ça fait un moment que le Mexique existe, il est indépendant de l'Espagne, etc., etc. C'est une révolution, au sens où chez nous aussi, on a eu des révolutions. Au sein de cette révolution, comme les nôtres d'ailleurs au XIXe siècle, il y a plusieurs factions. Des factions qui sont peut-être plutôt de l'ordre libéral, qu'on appellerait comme ça, et puis d'autres un peu plus radicales. Et donc Zapata fait partie de ces factions qu'on pourrait appeler plus radicales. Il vient du Sud. Donc c'est vrai que quand on s'installe au Chiapas, il y a un truc un peu logique, l'armée du Sud de Zapata. Mais c'est sans doute pas que pour ça qu'ils l'ont choisi. Il vient avec, pour demande principale, vraiment la lutte qu'il défend, c'est la réforme agraire. La réforme agraire, je vous apprends rien en vous disant que c'est une thématique qui traverse largement, en réalité, l'ensemble de ce continent qui hérite de structures coloniales dans toute l'Amérique et de structures dans lesquelles il y a des grandes exploitations agricoles. Et donc, l'une des revendications de Zapata, c'est cette répartition des terres, la terre à ceux qui la travaillent. Si les Zapatistes reprennent son nom, c'est en partie parce que, effectivement, c'est un élément hyper important pour eux de retrouver l'accès aux terres et aux terres pour ceux qui les cultivent et qui en vivent, avec aussi une dimension d'autonomie alimentaire, etc. On en parlera dans la suite. Autre chose qu'on raconte beaucoup sur Zapata, au moment où il arrive à Mexico, puisqu'il marche sur Mexico, tous ces gens-là, c'est une révolution, ils vont vers la capitale, ça c'est pas très exotique pour nous, hein, c'est des choses qui existent aussi dans notre histoire. Et Zapata, il cherche pas à prendre ce pouvoir, à le garder. Vous voyez, il y a une photo qui est très célèbre, peut-être certains d'entre vous l'ont déjà vu si vous vous intéressez à cette lutte, de Zapata et Pancho Villa qui arrivent donc au palais présidentiel. Et cette photo, elle est souvent commentée par des gens qui disent « Mais Zapata, il n'a pas l'air très à l'aise là, sur ce grand fauteuil dans le palais présidentiel. Zapata, il ne veut pas rester là. » Bon, et par ailleurs, au-delà de l'anecdote et de la photo, si on a l'habitude de la lire comme ça, c'est parce que c'est vrai, manifestement, ce n'est pas ce qu'il cherchait à faire. Et ça, c'est probablement la deuxième raison de cette référence choisie par les Zapatistes. Donc, ils se disent Zapatistes. Et ce que ça veut dire derrière, c'est on vient du sud du pays, on lutte pour la réforme agraire et l'accès à nos terres, et on n'a pas vraiment l'intention de prendre le pouvoir pour vous gouverner là dans tout le Mexique. On ne cherche pas à renverser l'appareil d'État, c'est pas ça l'idée. Ce qu'on veut, c'est notre autonomie. Donc ça, c'est un élément. Et vous voyez que peut-être là, on s'est déjà un peu éloigné de notre histoire de foyer de guérilla traditionnel, hein, puisqu'on vient de mettre de côté l'idée de prendre l'appareil d'État. Et puis, peut-être vous avez déjà lu, ou peut-être si je vous le dis, ça vous incitera à aller lire après les contes du vieil Antonio, del viejo Antonio, dans lesquels les Zapatistes, en l'occurrence à travers leur porte-parole, celui qui a été longtemps leur porte-parole et qui a été très connu, le sous-commandant Marcos, nous disent qu'ils ont aussi hérité de ce qu'on pourrait romancer un peu comme une sagesse indigène, mais qui est un vrai héritage de la manière dont les choses se faisaient, puisque tous ces groupes avec lesquels ils sont en contact, ce sont des groupes, des peuples indigènes du Chiapas, Maya, de différents peuples mayas, Tzeltal, Tzotzil, Toholaval, Chol, certains qui ont perdu leur langue maternelle et d'autres qui la parlent encore, mais tous qui portent un certain héritage. Un héritage d'une manière, par exemple, de s'organiser, de faire ce qu'on peut aussi appeler de la politique, puisqu'il s'agit de s'organiser en tant que groupe et de donner les charges, vous voyez, plutôt que élire un représentant qui va avoir tous les honneurs, confier une charge à quelqu'un qui n'a pas fait campagne pour, qui ne l'a pas demandé. Tous ces éléments qu'on va retrouver dans le mouvement zapatiste, qu'ils récupèrent parce qu'ils les trouvent pertinents et utiles dans la construction de leur autonomie, ils viennent de là. Beaucoup d'autres, évidemment, aussi dans leur cosmovision. Et ils viennent, peut-être pour revenir encore plus en arrière, eux disent « ça fait 500 ans qu'on résiste ». Donc on parle en fait depuis la conquête du Mexique. C'est de ça qui nous parle en disant « ça fait 500 ans ». Mais qu'est-ce que ça veut dire ? La première fois que je l'ai entendu, j'ai trouvé que c'était très romantique et je me suis dit « ah, c'est une jolie manière de le dire ». Et à cette époque, je n'avais pas encore lu ou étudié beaucoup de choses sur l'histoire de la Nouvelle-Espagne puis du Mexique. Donc j'avais tort. C'est pas juste une jolie manière de le dire. Quand on regarde de près l'histoire des luttes et des résistances indigènes dans ce qui a été la Nouvelle-Espagne, puis qui est le Mexique, il y a effectivement un certain nombre de populations, d'abord, qui n'ont jamais rendu les armes. C'est-à-dire, il y a des endroits qui n'ont jamais été conquis, qui n'ont pas été la Nouvelle-Espagne avant d'être le Mexique. Et même dans ceux qui ont été conquis, vraiment, il y a des révoltes, mais à chaque génération. En 1620, en 1647, enfin, on est dans ce genre de fréquence. Donc, effectivement, il y a cet héritage de gens qui se sont jamais rendus, d'une révolte transmise de génération en génération, et sans doute d'une manière de s'organiser, alors ça on a encore moins les archives, mais qui se crée au fur et à mesure dans cette volonté, vous voyez, d'être par communauté en résistance contre des formes, en l'occurrence d'administration coloniale, puis de l'État mexicain. Et je fais un dernier pas, je reviens encore un tout petit peu plus en arrière, après je vous fiche la paix, je reviens aux années 80. Pardon, dans la vie, je suis historienne, ça s'entend. Mais donc je fais quand même un dernier pas en arrière. Si on est en particulier au Chiapas, dans les montagnes du Chiapas et dans la jungle du Chiapas, en fait, les populations mayas qui sont là, ce ne sont pas les héritiers des populations mayas, des grandes cités-états mayas, vous voyez, avec les pyramides, machin et tout. En tout cas, pas tous. S'ils se trouvent dans les montagnes et dans la jungle, c'est en partie... Alors, la jungle, c'est une autre histoire. Il y a une partie qui est devenue jungle après. Mais ceux qui sont dans les montagnes et ceux qui sont arrivés dans la jungle au cours du XXe siècle, ce sont des gens qui se sont mis volontairement en marge depuis très longtemps de ce qu'était ce pouvoir central. Je dis ça parce qu'après, voilà, il y a toute la ligne. On en parlera dans la discussion, si vous voulez. Mais de savoir, est-ce qu'on veut romantiser l'être même et l'essence des Mayas dans ce qu'ils étaient et dans les cités-états qui existaient, ou est-ce qu'on distingue en fait qu'au sein de ces sociétés, il y avait aussi des prises de position différentes et donc on n'hérite pas des mêmes selon qu'on va d'un côté ou de l'autre. Maintenant, j'arrête mes retours en arrière à 500 ans. Donc, on était dans les années 80, ils sont dans la forêt, et ils rencontrent tous ces gens, qui évidemment ne sont pas leurs ancêtres des années 1400, mais qui quand même portent toute cette histoire, et transmettent des choses sur les manières de s'organiser, sur ce que c'est que de résister depuis 500 ans, sur ce à quoi ils résistent. Et donc, tous ces gens parlent entre eux. Ils trouvent aussi des communautés, par ailleurs, qui ont été organisées par toute l'action de l'Église dans sa volonté, l'Église chiapanèque, à ce moment-là, comme plusieurs églises d'Amérique latine, dans sa volonté de mettre en application la théologie de la libération. Donc, ils organisent les communautés dans les années 70, qui est très active. Les communautés élisent leurs propres catéchistes. C'est vraiment un autre christianisme que ce qu'on connaît ici. Vraiment, vraiment. Et un christianisme qui se préoccupe plutôt de ce que ses plus petits frères, ceux qui sont à la fois dans la misère, mais vraiment opprimés racialement, économiquement, etc., puissent construire leur autonomie et puissent se sortir de là. Et donc, les guérilleros qui arrivent trouvent tout ça. Et l'armée grossit, le mouvement aussi grossit, hein, avec non seulement des gens qui s'engagent en tant que miliciens zapatistes, mais des gens qui sont ce qu'on appelle encore aujourd'hui des bases d'appui, donc une base, si vous voulez, populaire beaucoup plus large que seulement ceux qui s'engagent, et les gens qui discutent, et voilà, une fois qu'on est engagé dans le mouvement, ils racontent cette clandestinité, les réunions toute la nuit, la volonté de ne pas se faire repérer, ou pas trop, hein. Il semble que par exemple l'Église, qui était très active et relativement sympathisante, était bien au courant à ce moment-là, mais l'État mexicain a été suffisamment surpris pour qu'en 94, ça se passe comme on vous racontera dans un instant. Et de fil en aiguille, les années passent, et à un moment, ces gens, la base populaire, apparemment, de ce qu'ils racontent, décident que c'est le moment de l'insurrection. Je dis la base populaire parce qu'il semble, d'après toujours ces témoignages, que ce ne soit pas une décision militaire. Ils ne se disent pas « on est prêt, on va affronter l'État mexicain ». Apparemment, plutôt pas. Plutôt la comandancia dit « vous êtes sûr, là, on n'est pas du tout prêt, c'est pas du tout le moment ». Mais un facteur déclenchant, et je le pose sur la table avant de passer le micro, parce que je crois que c'est un élément très important dans le mouvement, c'est qu'ils décident de cette insurrection, de la déclencher. Le 1er janvier 1994, c'est le moment d'entrée en vigueur des accords de l'ALENA, des accords de libre-échange nord-américains. Vous me direz, oui, bon, au point où ils en sont, qu'est-ce que ça change ? Ça change entre autres que pour que ces accords de l'ALENA entrent en vigueur, une des conditions dans le traité international, c'est que toute la terre, par exemple, toute la terre puisse être vendue. C'est-à-dire que la terre soit une marchandise. C'est ça que ça veut dire, hein, si on le dit en termes clairs. Ça, c'est pas du tout une évidence au Mexique, et moins encore pour les communautés indigènes. Et donc ça, c'est un gros point d'achoppement. Je ne vous fais pas toute l'histoire de ce que c'est qu'un ejido, peut-être ça viendra dans la suite, mais donc il y a ce mot-là, ejido, qui traîne, qui est une espèce de propriété d'usage collectif de la terre. Et ça, c'est un élément ultra important. Quand je vous disais la réforme agraire, ça tourne derrière pour eux, savoir à qui est la terre et sous quel statut, quoi. C'est-à-dire, pas, elle peut être à celui qui la travaille mais qui peut la vendre, ou alors elle peut être une vraie propriété d'usage. Ou peut-être même que ce terme ne convient pas avec propriété dedans. Et donc ça, c'est un élément vraiment central dans la décision du soulèvement. De dire non, ça, non. Que la terre entière devienne une marchandise, ça ne nous convient pas. Et juste avant 94, c'est aussi le moment, je le pose là, comme ça oblige ma voisine à en parler, j'imagine que tu avais prévu dans ton intervention, c'est aussi le moment où passe en interne chez eux la loi des femmes, parmi toutes sortes de lois, hein, avant le soulèvement, c'est-à-dire ils écrivent des textes qui formalisent la manière dont ils veulent fonctionner, etc. Donc la loi des femmes une d'elles, mais elle passe à ce moment-là, vous voyez, avant le soulèvement. C'est pas un truc qui vient dans un second temps. Parce que par rapport à beaucoup de mouvements, ça fait quand même une différence. De se dire, avant même le soulèvement de 94, c'est là, et cette loi des femmes raconte toutes sortes de choses, le droit à l'accès à la santé, notamment à la santé au moment où on est enceinte, où on a des jeunes enfants. Et puis aussi, dès ce moment-là, l'interdiction de l'alcool, qui est une des caractéristiques du mouvement zapatiste, qui, dans ce contexte, héritait de la colonie, où l'alcool était souvent utilisé pour abrutir les travailleurs, voire même les payer en alcool, et finalement éviter... qui se rebellent, mais aussi où l'alcool, en fait, on est au Mexique et en Amérique latine, et les violences faites aux femmes sont encore plus fortes et critiques que ce qu'on peut connaître, par exemple, chez nous. L'alcool, c'est aussi un facteur de violence, notamment de violence intrafamiliale contre les femmes. Et il semble, de ce qu'on voit de cette expérience, qu'effectivement, son interdiction soit un tournant radical dans la baisse de ces violences. Mais donc, toutes ces thématiques, elles sont déjà là. Elles sont héritières de l'époque de la clandestinité avant le soulèvement. Le 1er janvier 1994. Donc nous sommes le 1er janvier 1994 et comme l'a dit Élise, en effet cette date elle n'était pas fixée, c'était pas un objectif. Ce qui semble, moi je rajouterais aussi que dans cette loi des femmes, que ce soit elle en fait aussi qui est poussée au soulèvement. Que dans cette loi révolutionnaire des femmes, une des choses qui est aussi inscrite, c'est que les femmes pouvaient participer au même titre que les hommes à l'armée, en fait, à prendre les armes et à avoir un poste militaire. Donc le ZLM, l'Armée Zapatiste de Libération Nationale, elle est formée aussi par des miliciennes et qui vraisemblablement poussent aussi au soulèvement et à prendre 5 chef-lieu du Chiapas, la nuit en fait, du 31 au 1er janvier 1994. Donc c'est une surprise, d'abord parce que ça se passe la nuit du 31 au 1er, où tout le monde fait la fête et en plein réveillon, et que soudain, des indigènes sortent des montagnes, armés, mais plus ou moins, et prennent des grandes villes, dont San Cristóbal de las Casas, qui est relativement connu, et donc les occupent et prennent les palais municipaux. Le fait est que cette date, elle correspond à l'entrée en vigueur donc, de l'ALENA et qu'à ce moment-là, toute la presse, les télés, l'information internationale est présente au Mexique pour couvrir le fait que le Mexique rejoint le premier monde, non ? Comme c'était dit, que le Mexique rejoint les États-Unis et le Canada pour rentrer dans le libre-échange et le néolibéralisme plein pot. Et en fait, il y a quelque chose de bien plus intéressant à couvrir que cette signature d'un accord à la capitale, c'est ce qui se passe au Chiapas. Donc toute la presse part au Chiapas couvrir les événements qui sont en train de se dérouler. Et donc c'est la première fois où les visages de l'EZLN, et notamment, on en reparlera peut-être, mais de la figure du sous-commandant Marcos qui apparaît à ce moment-là comme un porte-parole, parce qu'il parle des langues, plusieurs langues qui peuvent être comprises par les différentes télés. Donc s'en suivent 12 jours de conflits armés où c'est une guerre. L'armée fédérale est déployée au Chiapas. Beaucoup de zapatistes sont assassinés. C'est 12 jours de guerre selon les accords de Genève, les accords de la guerre. C'est une guerre qui est déclarée à l'État mexicain avec ces mêmes règles. Donc il y a 12 jours de combats violents, beaucoup de prisonniers, beaucoup de morts et une mobilisation de la société civile nationale et internationale qui voit ça et qui prend parti en disant que personne ne veut un bain de sang au Chiapas et qu'il faut arriver à des discussions qui mèneront à des accords. Donc, le 12 janvier, un accord de cessez-le-feu est signé. Les partis décident de discuter. Donc, une délégation de l'EZLN et du gouvernement entre dans une phase de discussion qui durera plusieurs mois, avec comme place centrale aussi, comme Élise l'a dit, l'Église, donc l'évêque Samuel Ruiz, l'évêque du Chiapas à ce moment-là, qui préside ces discussions. Ces discussions durent plusieurs mois. Et au moment du 1er janvier, il y a la première déclaration de la Selva Lacandona, donc de la forêt Lacandone, où les exigences des zapatistes sont posées. Donc les exigences, elles sont très claires. C'est travail, terre, toit, alimentation, santé, éducation, indépendance, liberté, démocratie, justice et paix. Donc l'objectif de ces discussions, c'est d'arriver à des accords qui mettent en pratique ces exigences et qui reconnaissent l'autodétermination des peuples et qui visent à une modification de la Constitution. Ces accords sont signés. Sans surprise, ils ne seront pas respectés. Comment cette espèce de moment qui dure jusqu'à aujourd'hui, qu'on appelle la guerre de basse intensité, mais qui est clairement une guerre de contre-insurrection, avec une occupation permanente de l'armée au Chiapas et de la création de groupes paramilitaires. En 1995, il y a une rupture de ces dialogues-là qui sont toujours en processus et il y a vraiment la présidence de la République qui fait une tentative de rompre du coup ces discussions, d'arrêter les commandants. Et bon, donc il y a déjà cette première phase où la confiance en le gouvernement, déjà qu'elle n'était pas au centre et c'était donc toujours sans surprise, c'est un premier échec dans ce processus de discussion. Les Abbatistes, en même temps, ils commencent tout de suite aussi dès 1994 à créer des municipes autonomes. Donc les terres, elles ont été récupérées à ce moment-là et elles ont une importance, elles ont un très important dans le processus qui est en cours actuellement. Et donc finalement, ces discussions aboutissent à la signature d'accords donc, qui s'appellent les accords de San Andrés, qui sont signés en février 1996 et qui promettent donc de modifier la constitution, d'autoriser la libre détermination des peuples indigènes de tout le Mexique et à leur droit à l'autonomie et au respect de leurs exigences, notamment en matière de justice et d'égalité. Et donc, s'ensuit une succession d'années où vous imaginerez bien que le gouvernement ne s'empresse pas de modifier la Constitution et de mettre tout ça en place. Donc, les Apatistes continuent à lutter pour le respect de ces exigences, donc avec plusieurs temps, notamment un qui a été très important en 2001 avec la marche de la couleur de la terre, où des milliers de Apatistes sont sortis du Chiapas pour se diriger vers la ville de Mexico. On fait une grande caravane qui a duré plus d'un mois sur 6000 km pour aller s'exprimer devant le Congrès de l'Union, donc qui est la plus grande instance de prise de décision au Mexique, pour revendiquer donc l'application et l'entrée en vigueur des accords de San Andrés. Dans la foulée du soulèvement, il y a le Congrès national indigène qui est créé aussi, qui regroupe de manière beaucoup plus large tous les peuples indigènes en lutte du Mexique. Donc du nord au sud, d'est en ouest, ce sont donc tous les peuples en résistance qui s'unissent dans ce congrès-là. Ce congrès national indigène existe toujours aujourd'hui. Clairement, tout ce qui a été fait n'a pas... le Mexique n'a jamais modifié la constitution, n'a jamais appliqué les accords de San Andrés. Et donc les Apatistes, en 2003, décident d'appliquer de manière absolument unilatérale leurs exigences. Donc, j'ai sauté quelques étapes sur la création de leur autonomie, mais en tout cas en 2003 sont fondés ce qu'on connaît comme les caracoles, qui existent toujours aujourd'hui, qui sont donc ces zones d'organisation et de prise de décision. Et on en est là et je pense que je vais passer la parole à Paul ou à Élise pour poursuivre sur la construction des caracoles. Donc à partir de 2003, c'est cette autonomie et la création des conseils de bon gouvernement qui prend place et qui s'occupe du gouvernement Zapatista. Compañeros zapatistas, compañeros campesinos, compañeros de mi país, compañeros de todo el mundo. La lucha zapatista muy avanzada, y en todo el mundo sí ya lo saben, ahora sí ya se ha formado las juntas de buen gobierno. Comenzaron a trabajar las juntas de buen gobierno en la tierra de los caracoles. Et donc c'est le moment de construction finalement de leur autonomie de fait et pas de droit, puisque les accords de San Andrés n'ont jamais été ratifiés. Mais eux, ils se disent, voilà, ils ont été signés, ça suffit d'attendre, on construit les choses. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, construire son autonomie sur le territoire? Déjà, étant donné le contexte depuis lequel on parle, peut-être c'est important de signaler ce que ça ne veut pas dire. Le territoire zapatiste n'est pas continu. Donc, ils n'ont pas, par exemple, récupéré un territoire continu avec des frontières qui se seraient séparées d'une manière du territoire mexicain ou chiapanec. C'est pas ça, l'histoire. Construire l'autonomie, ça veut dire, donc dans le système, je vais vous décrire le système qui avait cours jusqu'à fin 2023 et qui a bougé un peu, qui a été remis beaucoup plus encore au niveau local que ce qu'il était récemment. Mais donc c'est avoir dans chaque communauté des assemblées qui décident d'un certain nombre d'affaires, donc à l'échelle de la communauté, à l'échelle du municipe, et puis des gens à qui on confie une charge qui vont être ce qu'on appelle les conseils de bon gouvernement. Et les conseils de bon gouvernement vont exister dans chaque zone, gérer les affaires, soit qui ont besoin de remonter au niveau de la zone pour coordonner plusieurs localités, et soit qui leur sont dévolues. Ça veut dire quand même, pour une grande part de leur temps, rendre la justice, gérer des conflits, avoir un mode de résolution de conflits qui leur convient plus, sans doute, que ce que propose la justice mexicaine. Alors la barre n'est pas très très haute, hein, puisque la justice mexicaine est à un degré de corruption et d'engorgement vraiment considérable. Et quand en plus on est indigène, donc on n'est vraiment pas la personne la plus bienvenue, elle ne fonctionne pas, la justice mexicaine. Donc c'est ça un peu l'urgence d'avoir des conseils qui, parmi toutes les affaires, gèrent cette résolution de conflits. Et ça, c'est ouvert aux zapatistes, mais je vous ai dit, le territoire n'est pas continu, c'est-à-dire les gens, ils choisissent d'être dans le mouvement zapatiste. C'est pas un truc où ils auraient pris le pouvoir et c'est bon, voilà, t'es sur nos terres, t'es zapatiste, fin de l'histoire. Les gens, ils choisissent. Ils peuvent être zapatistes ou ils peuvent ne pas l'être, ils peuvent sortir du mouvement, il n'y a pas de représailles à sortir du mouvement, ce truc-là est libre. Et donc, cohabitent dans les mêmes communautés ou dans des communautés voisines, des zapatistes et non zapatistes. Et donc, rendre la justice, ça fait partie des choses qui peuvent fonctionner entre zapatistes et non zapatistes, voire même parfois, il y a des non zapatistes qui peuvent faire appel à ce service-là, pour ainsi dire, parce que quand même, on a besoin, quand on vit côte à côte, de ces formes de résolution de conflits. C'est donc une justice qui sert, qui cherche essentiellement à comprendre, à mener au dialogue et à réparer. C'est-à-dire l'idée, par exemple, prenons un cas ultra grave d'homicide, quelqu'un a tué quelqu'un d'autre, donc il y a ce qu'ils disent, il y a une famille qui a déjà perdu un de ses membres, si le meurtrier on le met en prison, qu'est-ce qu'on fait que l'autre famille ait aussi perdu quelqu'un ? Donc c'est pas ce type de justice, c'est plutôt une histoire de chercher la réparation et la réconciliation, dans différentes modalités, en prenant le temps qu'il faut et en essayant de faire au mieux. Ça ne veut pas dire que c'est toujours parfait, et en apprenant au fur et à mesure. Alors vous me direz, ces juntas de buen gobierno, si elles sont élues, ça ressemble un peu à une espèce de système électif tel qu'on a. Alors eux aussi se sont bien dit que si on éloignait les gens de leur communauté comme ça et qu'on les mettait très loin, on risquait petit à petit de ressembler à des systèmes électifs. Donc selon les zones, là il y a différentes variantes, mais par exemple une manière de faire, ça a été d'avoir 3 équipes dans les juntas, et chacune ferait les 10 premiers jours du mois, les 10 du milieu respectivement, et les 10 derniers, pour se relayer comme ça. Ça permet quoi ? Ça permet qu'ils retournent à chaque fois dans leur communauté pendant 20 jours du mois, donc qu'ils restent reliés à l'ensemble des personnes qui ne sortent pas, vous voyez, du corps politique, que ce ne soit pas les gouvernants, d'une certaine manière, qui seraient séparés des gouvernés. Ça permet aussi qu'ils continuent, par exemple, à cultiver leur milpa, leur champ, pour s'alimenter, eux et leur famille. Et donc, de ne pas avoir à leur donner des super salaires qui les sépareraient encore du reste de la population, qui ferait qu'ils auraient un autre mode ou niveau de vie. Ça, c'est des réflexions qui sont très présentes dans leur manière de s'auto-organiser, de ne pas reproduire ce genre de système. L'auto-organisation, ça veut dire aussi l'éducation, une éducation autonome, puisqu'il y avait des écoles hein, de l'État mexicain qui semblaient dysfonctionner largement, qu'on envoyait des maîtres quand il y en avait. Il y a des questions de manque de maîtres ou d'absentéisme qui venaient pas des populations elles-mêmes, qui faisaient la classe qu'en espagnol, éventuellement selon les endroits à des enfants qui ne parlaient pas espagnol, et en les méprisant un peu et en venant de l'extérieur avec des savoirs imposés, ça ne marchait pas très bien. Même dans les endroits, puisque l'État mexicain propose ça, où il y avait des tentatives d'éducation bilingue, un des dysfonctionnements qui a pu être décrit, pour vous donner un peu une idée du type de système et de dysfonctionnement, c'est que l'État mexicain envoie un maître effectivement bilingue, donc en espagnol mexicain, et puis dans une autre langue indigène, mais pas celle du lieu. Donc vous voyez qu'il y a un certain nombre de dysfonctionnements qui peuvent exister, et dont on voit bien qu'ils sont le résultat d'une part d'une gestion depuis très très loin, depuis l'État, et d'autre part peut-être du fait qu'on s'en fiche un peu de ces indigènes. Il propose donc une éducation au moins primaire dans toutes les communautés, souvent bilingue. Après, il y a des lieux là-bas où on parle que ce qu'ils appellent la Castilla, donc l'espagnol, donc c'est pas toujours bilingue, mais quand ça peut l'être, et donc bilingue avec leur langue, là, de cette communauté, et pas d'un autre état du Mexique, ou ni même d'un autre lieu de l'état du Chiapas. Et par des gens qui sont formés en interne, donc ils sont pas très très loin de leur communauté et de ses réalités, avec des programmes qui sont aussi décidés. Alors vous me direz peut-être que dans les mathématiques et les ça change pas énormément, mais ça change la pédagogie, ça change la manière de s'adresser aux enfants. En histoire, ça change peut-être ce qu'on choisit de mettre en avant. Vous voyez, sur quoi on va passer la moitié de l'année et qu'est-ce qu'on va raconter juste en une heure, c'est quand même des enjeux qu'on connaît aussi. Donc une éducation autonome, ça veut dire tout ça. Ça semble fonctionner. Ça veut dire une éducation qui s'adresse aussi aux garçons et aux filles. Ça, c'était un enjeu quand même, hein, puisque l'état des choses avant 94, ça semble être une très très faible scolarisation des filles. Ça dépend évidemment des zones, mais par exemple, dans les zones où il y avait encore des grandes plantations avec des indigènes finalement très pauvres, dépossédés des terres, les terres récupérées en 94, mais donc avant 94, elles n'étaient pas récupérées. On a quand même un taux d'analphabétisation hyper important. Enfin, c'est des problèmes de base comme ça. Donc l'éducation primaire partout, ça change déjà beaucoup de choses. Et une éducation secondaire, alors là, ça implique que les jeunes qui choisissent de faire une éducation secondaire souvent s'éloignent de leur communauté pour se rendre soit dans le caracol, soit dans certaines zones. Il peut y avoir plusieurs institutions d'éducation secondaire et même des tentatives de... Enfin, pas des tentatives, hein, ça existe, un centre de formation, un certain nombre de professions pour lesquelles il faut une formation supplémentaire, un apprentissage supplémentaire. Après, donc tout ça est construit, mis en place petit à petit et pour le coup, je crois vraiment, on peut pas nier... fonctionne à l'heure actuelle et fonctionne vraiment bien. L'autonomie, ça veut dire aussi la santé, parce que là aussi, il y a des discriminations ultra fortes pour des indigènes au Mexique dans l'accès à la santé. Enfin, déjà, le système de santé peut avoir ses défauts et ses défaillances, mais encore plus quand on arrive et qu'on est un paysan indigène. Et donc là aussi, il y a une construction lente. Ça veut dire former des gens, hein, comme pour l'éducation, les promotores de l'éducation, il y a aussi des promotores de salud. Et ça veut dire à eux aussi, peut-être dans certaines zones, les aider à cultiver leurs champs parce qu'ils consacrent du temps, aussi bien à l'éducation qu'à la santé. Quand on consacre du temps à ça, ça veut dire qu'on cultive moins son champ, mais le choix n'est pas, a priori, de leur donner un salaire. Pour autant, vous voyez, toujours pas de les sortir du mode de vie habituel. Et donc là, les promotores de salud, ils peuvent être formés dans la santé qu'ils appellent traditionnelle, c'est-à-dire aux soins par les herbes, les remèdes traditionnels, ou dans le cas des fractures, les bandages. Ils peuvent être formés aussi à la médecine qu'ici on appelle conventionnelle, vous voyez, chimique avec des médicaments. C'est aussi quelque chose qui existe. Là, un des projets récents, peut-être ceux qui ont regardé les petits feuillets, ou peut-être vous avez vu des petits feuillet d'avril de projet des organisations solidaires européennes pour aider à financer un bloc opératoire dans la forêt de Lacandon. Donc on n'est pas que dans un truc avec des tisanes d'herbe, il y a vraiment les deux. Et là aussi, ils peuvent accueillir zapatistes et non-zapatistes, ce qui permet notamment d'éviter les montées trop fortes de tension, hein, de proposer des choses aux non-zapatistes. Ça ne marche pas toujours, il y a des endroits où il y a des tensions. Mais voilà. Et de ce que j'avais entendu, je ne sais pas si c'est le cas dans toutes les zones, mais les zapatistes ne payent pas les médicaments non plus, le système de santé est gratuit, les non-zapatistes on leur demande de rembourser le prix de leurs médicaments, juste pas du service de soins, mais du médicament. Donc on est dans ce genre de rapport, vous voyez, quand même assez peu marchand. Et donc je disais, les juntas, la santé, l'éducation. Et le dernier pilier, c'est la construction d'une sorte d'économie, pour ainsi dire, de coopérative autonome. Alors le mode quand même de production majoritaire de leur nourriture, c'est d'aller à la milpa et de faire pousser du maïs, des haricots, des tomates. Ça, voilà, c'est le truc principal de chaque famille. Et c'est quand même comme ça qu'on a l'essentiel de l'alimentation, qu'on fait les tortillas, pour avoir du bois pour faire le feu, on va couper le bois. Il y a quand même une base assez forte de cet ordre-là qui sort une partie des choses un peu du système marchand. Mais il y a aussi des coopératives, peuvent être de toutes sortes d'ordres. Ça peut être des coopératives d'artisanat, qui permettent de vendre à l'extérieur. Ça peut être des coopératives, moi j'ai vu des coopératives d'élevage, de bétail. Ou ça peut être une cantine collective qu'on va fonder quelque part. Il y a des petits magasins collectifs aussi. Et donc ça permet quand même, et bien sûr, pardon, des coopératives de café, normes. Coopératives, c'est un peu l'éléphant dans la pièce, si je le dis pas. En tout cas, il y a des productions de cet ordre-là, souvent collectives, mais éventuellement individuelles aussi pour le café, qui sont des produits qui, pour le coup, sont vendus, donc qui permettent un revenu en argent. Et il est important aussi pour le mouvement, hein, ce qu'il disait à l'époque où il y avait encore ce système avec les juntas, c'est qu'une partie des choses à financer, c'est les trajets. Les trajets, ça se fait avec des véhicules, donc soit tu payes ton trajet dans le véhicule collectif, soit même dans les endroits où il y a un collectif d'apatistes. Il faut quand même payer les réparations du véhicule, le carburant. Enfin, donc là, il y a quand même aussi besoin d'un revenu de l'extérieur. Et tout ça se construit. Alors, tout ça a l'air comme ça de bien fonctionner. De fait, je trouve que c'est plutôt le cas. Et ce double d'initiatives, alors plus ou moins selon les phases, de rencontres aussi internationales, puisque le lien à la solidarité internationale n'a jamais été complètement négligé. De fait, hein, vous avez entendu toute l'histoire avec le soulèvement, les manifestations, la trêve, la répression qui continue. Donc, probablement, ils ont besoin de continuer à exister en lien avec l'international, parce que si demain plus personne les regarde et plus personne sait qu'ils existent, qu'est-ce qui empêche le gouvernement mexicain de les écraser comme ça, d'un coup de talon? Alors, ils n'ont jamais rendu les armes, ils les ont déposées, ils ne les ont pas rendues. Mais on ne va pas se voiler la face, hein. Si on envoie une armée ultra-moderne, etc., ils n'ont pas une capacité militaire si forte de résistance. Ils ont de quoi se défendre suffisamment longtemps pour que tout le monde réagisse en leur faveur. C'est ça le tampon. Mais pas de quoi vaincre l'armée mexicaine. Enfin, je crois pas, je me gourde beaucoup si c'est le cas, mais toutes ces initiatives continue aussi à exister, des festivals internationaux, des festivals qui ont existé aussi de Comparte, festival d'art où ils invitent les artistes à partager, Conciencias, où ils invitent les scientifiques à partager, et où on sent des initiatives qui sont aussi à destination de la jeunesse zapatiste, puisque plus le temps passe, plus il y a des gens qui sont nés dans l'autonomie. Vous voyez ces gens qui sont allés à l'école primaire zapatiste, qui sont peut-être allés à l'école secondaire, enfin c'est possible qu'il va y avoir d'autres perspectives sur le monde, et donc comment on leur donne autre chose que, je sais pas, sortir des zones zapatistes et aller à Mexico travailler dans je ne sais quoi. Et donc il y a des séries d'initiatives comme ça qui sont pour partie à destination de l'international pour maintenir cette solidarité, Festival des Résistances, Petite École, et pour partie pour mettre en lien avec cette jeunesse qui a envie de découvrir plein de choses, et on pourra enchaîner avec le Voyage pour la Vie. Et donc là encore, tout ça a l'air hyper joyeux et positif, mais ça se crée quand même en contexte, il faut le dire avant de passer la parole, en contexte de répression. La répression très forte qu'a cité Julia des paramilitaires dans les années 90, qui deviennent un peu moins visibles par la suite, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont plus là, hein, mais qu'ils sont moins visibles, moins actifs. La contre-insurrection, elle prend aussi des visages un petit peu inattendus, des choses que d'ici on ne voit pas. Mais si on veut saisir la réalité de ce que c'est, la contre-insurrection, c'est parfois un truc déguisé sous le nom d'un programme social. Mais si on dit aux gens « on vous donne une corbeille d'alimentation chaque mois », si vous sortez des mouvements de construction autonome, donc des zapatistes, et il y a d'autres mouvements au Chiapas alliés ou pas, ou coordonnés ou pas avec les zapatistes. Donc si vous sortez de ces mouvements de cheminement autonome, alors tous les mois vous pouvez avoir une corbeille d'alimentation. Alors tous les mois vous pouvez recevoir de l'argent. Si vous vous affiliez à un parti politique, ou on peut vous donner de quoi construire votre maison. Donc ça, c'est aussi des moyens de faire sortir les gens de la lutte qui fragmentent de plus en plus les communautés et qui peuvent même monter les gens les uns contre les autres. Ce qu'on entend d'ici, c'est parfois aussi des conflits intra-communautaires ou entre indigènes. Ah là là, quel sauvage, il se tape dessus. Et si on cherche, si on mène une enquête derrière, on se rend compte, dans de nombreux cas, que les gens sont montés les uns contre les autres au moyen de ces promesses ou de ces programmes sociaux. Et c'est ça qui crée aussi des tensions intra-communautaires importantes. Donc ça, c'est quelque chose qui existe encore et qui, à partir des années 2000, a pris le pas. La militarisation dont parlait Julia, ça continue. Le Chiapas, c'est vraiment l'État où il y a le plus de militaires, alors même que plutôt la demande là, de construire leur autonomie, ce serait qu'il y ait moins de militaires et pas plus. Donc tout ça se crée vraiment dans un système un petit peu difficile de répression par les programmes sociaux, par les paramilitaires, par les espèces de harcèlement quotidien. Tout ça, évidemment, culmine dans l'état actuel de pénétration des cartels. Et ça, c'est encore autre chose que l'acteur étatique. Alors moi, je voulais poursuivre en vous partageant quelques éléments, comme la brève généalogie qui a été faite, cette ébauche d'histoire d'un long cheminement de 30 ans, parce qu'on parle quand même d'un mouvement qui est apparu au grand jour il y a déjà 30 ans. Il y a plus de 30 ans, et un mouvement qui s'est créé dans la clandestinité pendant 10 ans avant de pouvoir avoir la capacité et de se mobiliser pour pouvoir faire son insurrection armée. Le mouvement zapatiste, c'est une des références avec d'autres formes de mouvements, notamment avec le mouvement kurde, le Rojava, entre la Syrie, l'Irak, l'Iran et la Turquie. Deux mouvements en marge du capitalisme, deux mouvements majoritairement non capitalistes, ou en tout cas de formes d'utopie en réalisation ou partiellement réalisée. Ça nous a paru assez important de partager en fait quelques éléments sur en quoi consiste cet anticapitalisme du mouvement zapatiste et quelles sont ses articulations en fait à l'international. Parce que comme on a vu, en fait, c'est un mouvement qui est composé de plusieurs peuples indigènes de racines mayas, donc des peuples qui ont des langues, des cultures, des manières de s'organiser différentes. Donc rien qu'à l'échelle du territoire autonome zapatiste, il ne s'agit pas du tout de quelque chose d'homogène, il ne s'agit pas du tout de quelque chose de localiste qui aurait tendance à s'enfermer dans son îlot, conservé. C'est un mouvement qui a toujours regardé vers l'international, un mouvement qui a toujours essayé de s'articuler avec d'autres formes de lutte dans le monde, des luttes non capitalistes, des luttes contre l'État, des luttes féministes, décoloniales, et j'en passe. Déjà pour se rendre compte un petit peu de ces initiatives zapatistes et de l'ampleur en fait et de leur caractère assez conséquent et considérable aujourd'hui, c'est déjà regarder un petit peu en arrière l'ensemble des rencontres qui ont été proposées à l'initiative des zapatistes dans leur territoire autonome au Chiapas. On peut notamment se rappeler d'une rencontre qui a eu lieu en 96 qui s'appelait les rencontres intergalactiques contre le néolibéralisme et pour l'humanité. Donc 96, on parle quand même de moments, on est dans les années 90 dans tout ce contexte de la répression paramilitaire au Mexique mais aussi beaucoup plus largement en Abya Yala. C'est un moment qui précède l'altermondialisme et son horizon de un autre monde est possible. Et en fait, les apatistes ont toujours dit, en fait, nous, la perspective, ce n'est pas celle d'un nouvel universel. On ne vous propose pas un modèle révolutionnaire qui serait exportable, que vous pourriez faire chez vous à convenance. En fait, il s'agit de construire ensemble, depuis nos diversités, depuis nos différences, depuis chaque territoire, un monde, parce qu'on partage bien une planète Terre commune, un monde dans lequel il puisse y avoir place pour de nombreux mondes. Donc ça, ça a été la formulation zapatiste qui a été maintes fois reprise et commentée. On pense qu'elle est intéressante parce que déjà, c'est pas un monde dans lequel il puisse y avoir place pour tous les mondes, parce qu'on se rend bien compte que, par exemple, le monde capitaliste et sa prétention à faire un seul monde, sa prétention à détruire toutes les autres formes de monde, à globaliser la Terre, à faire de la Terre un globe, son universalisme, en fait, il est incompatible, il est impossible à concilier avec d'autres formes d'être, avec d'autres formes de se rapporter au monde, avec d'autres formes de faire monde. Donc il y avait un peu cette dimension-là. C'est un mouvement qui est particulièrement inspirant, mais qui ne peut pas s'adapter et s'exporter à convenance dans les différents endroits. Et donc il y a ce regard à qu'est-ce que nous on peut faire depuis ici, depuis nos diversités et nos différences, avec des horizons communs. Et parmi ces horizons communs, il y a bien sûr l'habitabilité de la Terre, donc la préservation de ce monde. Il y a aussi la possibilité de construire d'autres formes de monde. Et il y a plein d'autres formes de monde qui existent, qui résistent, qui réexistent à différents endroits pour pouvoir, dans un élan de conciliation transfrontière, de complicité, finir par détruire ce qui est le monde de la destruction des mondes, le seul monde qui est le capitalisme. Ils ont souvent parlé du capitalisme comme étant l'ennemi à abattre. Il y a énormément de communiqués de l'armée zapatiste de Libération Nationale dans lesquels ils déploient énormément de conceptions. C'est assez précis et détaillé quand on va regarder dans les textes. Donc il s'agit certes du capitalisme, mais plus largement de la modernité capitaliste, mais pas seulement capitaliste, la modernité aussi patriarcale et coloniale, et de la forme État-nation. Et comme on a vu avec l'autonomie, le mouvement d'autonomie zapatiste, donc déjà c'est un mouvement d'autonomie qui en soi du coup s'est mis en marge du capitalisme, bien qu'il y ait des rapports d'argent encore d'une certaine mesure, qu'il y ait des choses empreintes des subjectivités capitalistes qui existent encore et sur lesquelles les zapatistes essayent de travailler en commun pour les dépasser. C'est un monde qui essaye de se situer dans les périphéries du capitalisme, mais voilà, qui n'en est pas complètement extrait, et c'est assez important de l'avoir à l'idée, parce qu'il s'agit ici non pas de l'idéaliser, d'en faire une référence, justement une référence exportable, mais de le voir un peu depuis la diversité des inspirations que ça va susciter et les différentes choses qui peuvent vous animer, nous animer dans cette lutte commune, dans la construction des mondes multiples. Donc voilà, donc à la formule altermondialiste, un autre monde est possible. Les zapatistes proposaient déjà d'autres mondes sont possibles, pas tous les mondes, et il faut être assez précis et regarder un petit peu en détail, parce que l'habitabilité de la Terre nécessite des engagements conséquents, et que pour cela il y a évidemment une lutte politique à mener. On voit par exemple cette rencontre de 96 intergalactique, enfin, c'est assez amusant, intergalactique, c'est déjà une forme d'internationalisme poussé. Elle était contre le néolibéralisme. Il y a eu pendant très longtemps, les apatistes avaient proposé un concept qui était la 4e guerre mondiale, et en 97 ils nous disaient la 4e guerre mondiale a commencé, donc on était en 97. Eux, pour eux, la 4e guerre mondiale, c'est parce qu'il y a eu une 3e guerre mondiale qui est la guerre froide, et parce qu'en fait toutes les guerres ne sont pas eurocentrées, que la guerre froide elle a fait des milliers de morts, qu'elle a touché des centaines de géographies, et que le néolibéralisme, notamment, et ils le disent en 97, des historiennes pourraient réfléchir à partir de cette date, c'est peut-être avant, et peut-être que d'ailleurs c'est pas très pertinent, mais en tout cas à ce moment-là ils disent on est dans la 4e guerre mondiale, et je pense qu'aujourd'hui c'est intéressant d'appuyer dessus, parce qu'on se rend compte en fait qu'il y a des populations, il y a des territoires qui ont été exemptes de formes de violence, de domination quotidienne, même si bien sûr il y a des violences et des dominations quotidiennes, notamment en ce qui concerne les dominations sexistes qu'on part dans tous les espaces et en tout temps. Mais il y a le bloc occidental, le nord globalisé, n'a pas vraiment vécu de guerre depuis un certain temps, ou en tout cas il va faire les guerres ailleurs, elles sont lointaines. Et aujourd'hui la Palestine nous montre de manière tristement exemplaire que les guerres, et les apatistes le disent, qu'en fait les bombes qui tombent à Gaza, elles tombent en fait partout dans le monde, c'est juste qu'on ne s'en est pas encore rendu compte, qu'ils nous disent. Donc en fait cette perspective aussi de se situer dans une autre temporalité, dans celle d'une guerre, d'une forme de guerre totale menée par le capitalisme par la modernité capitaliste, coloniale et patriarcale et les États-nations qui l'accompagnent, contre le vivant, contre les différentes formes de lutte et les différentes formes de nous lier, de relationner ensemble pour faire monde, c'est constant. Mais du coup, voilà, cette proposition d'un anticapitalisme zapatiste, c'est une proposition qui est particulièrement détaillée, mais les zapatistes, ils ont eu tendance à nous dire et à nous rappeler, et je pense à fort raison, que la théorie, en fait, sans la pratique, c'est du blabla. C'est ce qu'ils disent textuellement. Et ils disent aussi, la pratique sans la théorie, tu marches à l'aveugle. Donc en fait, il s'agit de trouver une forme d'articulation. Mais dans dans cette articulation, c'est pas forcément trouver un truc où et à droite et à gauche, c'est équilibré. En fait, ils ont aussi dit la métathéorie, c'est la pratique. En fait, on va pouvoir parler de plein de trucs, mais mine de rien, c'est ce qu'on va faire qui va avoir... l'enjeu, il est vraiment dans l'action. Et je pense qu'on en est assez convaincus ici, toutes et toutes. Mais du coup, dans ce long cheminement de 30 ans d'autonomie zapatiste, il y a de la pratique. Et il y a eu des erreurs, des égarements. Ils se sont bourrés. À des moments, ils l'ont dit. Il y a des moments, ils ne l'ont pas reconnu. Il y a des moments, ils l'ont reconnu après. Voilà, c'est un chemin, donc avec des erreurs. Tout ça dans cette perspective de ne pas idéaliser un mouvement aussi conséquent qu'est le mouvement zapatiste. Il ne faut vraiment pas le minimiser, je pense. Par contre, voilà, il faut regarder un peu en détail qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et elles et eux-mêmes le font très bien dans leur territoire autonome. Ils font de manière récurrente des bilans d'autocritique, des analyses qui leur permettent de continuer d'avancer. Et les zapatistes, parce que l'autonomie, c'est jamais quelque chose, enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose qu'on postule. L'autonomie, c'est quelque chose qui se construit. Et comme toute chose qui se construit, en fait, c'est un processus. Et c'est un processus long. Donc là, on voit que les zapatistes, ça fait 30 ans qu'ils construisent leur autonomie, depuis les premières municipalités autonomes rebelles zapatistes en 94, avec les caracoles en 2003, avec différentes étapes. Aujourd'hui, là, en 2023, ils proposent une réorganisation de leur architecture de l'autonomie, une restructuration de l'autonomie zapatiste. Voilà, tout ça c'est un processus, et dans ce processus ils disent, et je pense aussi à raison, en fait on avance lentement mais on avance, on prend notre temps mais on va y aller. Ça sert à rien d'être complètement abruti par le temps chronométrique, ça sert à rien de vouloir aller trop vite. Et en fait lorsqu'on est nombreuses, comme par exemple on l'est aujourd'hui, si on devait prendre un accord tous ensemble, tous et toutes ensemble, il faudrait qu'on prenne le temps d'écouter chacun chacune, le temps de décider ensemble. Et ce temps là c'est le temps de l'assemblée, c'est le temps de l'accord, c'est un temps qui des fois peut prendre du temps, c'est-à-dire des semaines, parfois des mois, peut-être même des années avant d'arriver à des accords en fonction de la consistance de l'accord. Et ce processus d'y aller lentement, mais de continuer à avancer, je pense que c'est aussi une forme d'inspiration qu'on peut trouver du mouvement zapatiste. C'est aussi cette métaphore de l'escargot. Moi, c'est par exemple, ça fait partie des choses qui m'ont énormément habité, animé depuis quelques années. Donc il y a eu les rencontres, donc, notamment la rencontre de 96, rencontre intergalactique, mais il y en a eu plein d'autres. En fait, il y a eu des dizaines de rencontres thématiques. On a cité les rencontres autour des sciences, les rencontres autour des arts. Il y a eu des rencontres entre femmes zapatistes et les femmes du monde qui luttent, des rencontres en non-mixité qui ont eu lieu en 2018-2019. Il y a eu en 2015 un séminaire, le séminaire de la pensée critique face à l'hydre capitaliste, avec toute une conceptualisation du capitalisme comme une hydre à plusieurs têtes, où on coupe un endroit et ça repousse de l'autre. Et récemment, ils nous ont dit ne vous inquiétez pas, le capitalisme ne se périme pas, il ne fait que se rénover. Donc voilà, il y a énormément de consistance derrière l'anticapitalisme zapatiste. En ce qui concerne l'internationalisme, du coup, ça, d'une certaine manière, c'est déjà contenu dans les nombreuses rencontres qui ont été menées au Chiapas. Je pense que c'est d'autant plus considérable que les zapatistes se sont donné les moyens de voyager en Europe, 500 ans après le départ des conquistadors de Vigo en Espagne pour découvrir la Nouvelle-Espagne et ce continent inconnu jusqu'alors, où vivaient en fait des centaines de peuples et des centaines de milliers de personnes, si ce n'est des millions. Ils ont entrepris ce qu'ils ont intitulé le voyage pour la vie, qui est un voyage à rebours. Un voyage de conquête inversée et consentie. Pour nous, c'était vraiment, on est super émus en fait d'être ici parce que la délégation zapatiste, elle a été reçue à la Parole Errante lorsqu'elle était à Paris et à Montreuil. Elle a été reçue dans beaucoup de lieux de lutte. Elle a fait presque toutes les géographies européennes. Elle a été hébergée, accueillie, énormément de coordination et de travail qui ont été faits. Un travail difficile mais qui a été fait en commun pour permettre la bonne tenue de ce voyage. Et c'est un voyage planétaire, dont la première étape était le continent européen qui a été du coup renommé par nos nouveaux conquistadors zapatistes, pour la blague, Tlumilkachenkop, qui signifie terre insoumise, terre qui ne se résigne pas. Dans le mouvement zapatiste, il y a énormément de portée métaphorique. Ils vont avoir recours à beaucoup de métaphores pour nous décrire en fait les constats qu'ils ont sur la configuration actuelle du système monde, les reconfigurations actuelles du capitalisme, des états-nations, la fascisation qu'on connaît tous et toutes ici. Je voulais ajouter un micro-point, c'est que donc, le voyage pour la vie, il fait suite à un ensemble d'une série de communiqués, dont la déclaration pour la vie qui a été publiée le 1er janvier 2021 est particulièrement synthétique et forte, je trouve, et je me proposerai de vous la lire si vous le voulez bien. Mais il fallait mentionner aussi quelque chose qu'on n'a pas mentionné, qui est la Sexta. La Sexta, c'est une proposition d'initiative zapatiste qui date de 2005, qui a été approfondie en 2013, qu'ils ont donné encore davantage de consistance à leur anticapitalisme en 2013. Mais la Sexta, qui date de 2005, c'est la tentative de constitution d'un réseau planétaire de résistance, de lutte, de résistance et de rébellion, en bas et à gauche. Donc c'était d'aller chercher le plus largement possible des complicités pour pouvoir lutter tous et toutes ensemble pour ce qui aujourd'hui ils intitulent de manière assez canonique la vie. voulais vous lire un micro-paragraphe avant de vous lire la déclaration pour la vie, qui est assez courte. C'est un post-scriptum qui a été écrit du coup par le capitaine Marcos en juin 2025. Il commence par une note. 3 post-scriptum 3, 1 PS globalisé, une planète, beaucoup de guerres. Cette année, ce sont les 20 ans de la 6e déclaration de la forêt Lacandone, la sexta dont je vous parlais de 2005, et les 5 ans de la déclaration pour la vie. Avec la 6e, nous avons exprimé clairement notre position anticapitaliste et notre distance critique avec la politique institutionnelle. Avec l'effort de la déclaration pour la vie, nous avons essayé d'élargir l'invitation à un partage de résistance et rébellion. Pour nos compañeras, compañeros, compañeroas de la 6e déclaration et de la déclaration pour la vie, ces années ont été difficiles. Cependant, nous nous sommes maintenus sans nous rendre, sans nous vendre et sans capituler. La tempête n'est plus un mauvais présage, c'est une réalité présente. Si vous voulez bien, je vais vous lire la déclaration pour la vie. 1er janvier 2021. Au peuple du monde, aux personnes qui luttent sur les 5 continents, frères, sœurs, frères, compañeroas. Durant ces derniers mois, nous avons pris contact entre nous de différentes manières. Nous sommes des femmes, des lesbiennes, des gays, des bisexuels, des transgenres, des travestis, des transsexuels, des personnes intersexes, des queers et autres encore. Hommes, groupes, collectifs, associations, organisations, mouvements sociaux, peuples originaires, associations de quartier, communautés et un long etc. qui nous donne une identité. Nos différences et les distances entre nous viennent des terres, des cieux, des montagnes, des vallées, des steppes, des déserts, des océans, des lacs, des rivières, des sources, des lagunes, des races, des cultures, des langues, des histoires, des âges, des géographies, des identités sexuelles ou pas, des racines, des frontières, des formes d'organisation, des classes sociales, des capacités financières, du prestige social, de la popularité, des followers, des likes, des monnaies, des niveaux de scolarité, des manières d'être, des préoccupations, des qualités, des défauts, des pour, des contre, des mais, des cependant, des rivalités, des inimités, des conceptions, des argumentations, des contre-argumentations, des débats, des différends, des dénonciations, des accusations, des mépris, des phobies, des filies, des éloges, des rejets, des abus, des applaudissements, des divinités, des démons, des dogmes, des hérésies, des goûts et des dégoûts, des manières d'être, et un long etc. qui nous rend différents et bien des fois nous oppose. Il n'y a que très peu de choses qui nous unissent. Faire nôtre les douleurs de la terre. La violence contre les femmes, la persécution et le mépris contre les différentes dans leurs identités affectives, émotionnelles, sexuelles. L'anéantissement de l'enfance, le génocide contre les peuples originaires, le racisme, le militarisme, l'exploitation, la spoliation, la destruction de la nature. Comprendre que le responsable de ces douleurs est un système. Le bourreau est un système exploiteur, patriarcal, pyramidal, raciste, voleur et criminel, le capitalisme. Savoir qu'il n'est pas possible de réformer ce système, ni de l'éduquer, de l'atténuer, d'en limer les aspérités, de le domestiquer, de l'humaniser. S'être engagé à lutter, partout et à toute heure, chacun chacune là où il se trouve, là où elle se trouve, contre ce système jusqu'à le détruire complètement. La survie de l'humanité dépend de la destruction du capitalisme. Nous ne nous rendons pas, nous ne nous vendons pas, nous ne titubons pas. Avoir la certitude que la lutte pour l'humanité est mondiale. De même que la destruction en cours ne reconnaît pas de frontières, de nationalités, de drapeaux, de langues, de cultures, de races, la lutte pour l'humanité est en tout lieu, tout le temps. Avoir la conviction que nombreux sont les mondes qui vivent et qui luttent dans le monde, et que toute prétention à l'homogénéité et à l'hégémonie attente à l'essence de l'être humain, la liberté. L'égalité de l'humanité se trouve dans le respect de la différence. C'est dans sa diversité que se trouve sa ressemblance. Comprendre que ce n'est pas la prétention d'imposer notre regard, nos pas, nos compagnies, nos chemins, nos destins qui nous permettra d'avancer, mais la capacité à écouter et à regarder l'autre qui, distinct et différent, partage la même vocation de liberté et de justice. De par ce qui nous unit, et sans abandonner nos convictions, ni cesser d'être ce que nous nous sommes mis d'accord pour, premièrement, réaliser des rencontres, des dialogues, des échanges d'idées, d'expériences, d'analyses et d'évaluations entre personnes qui sommes engagées, à partir de différentes conceptions et sur différents terrains, dans la lutte pour la vie. Après, chacun continuera son chemin, ou pas. Regarder et écouter l'autre nous y aidera peut-être, ou pas. Mais connaître ce qui est différent, c'est aussi une partie de notre lutte et de notre effort, de notre humanité. Deuxièmement, que ces rencontres et ces activités se réalisent sur les 5 continents. Qu'en ce qui concerne le continent européen, elles se concrétisent durant les mois de juillet, août, septembre et octobre 2021, avec la participation directe d'une délégation mexicaine formée par le Congrès national indigène, Conseil indigène de gouvernement, le Front des villages en défense de l'eau et de la terre des États de Morelos, Puebla et Tlaxcala, et par l'armée zapatiste de libération nationale. Et que nous aiderons selon nos possibilités à ce qu'elles se réalisent à des dates postérieures, encore à préciser, en Asie, en Afrique, en Océanie et en Amérique. Troisièmement, inviter les personnes qui partagent les mêmes préoccupations et des luttes similaires, toutes les personnes honnêtes et tous les « en bas » qui se rebellent et résistent dans les nombreux recoins du monde à rejoindre, à contribuer, à soutenir et à participer à ces rencontres et activités et à signer et à s'approprier cette déclaration pour la vie. Depuis l'un des ponts de dignité qui unissent les 5 continents, nous, planète Terre, 1er janvier 2021. « Cette table ronde est maintenant terminée et s'arrête en 2021. Et il faut donc rajouter quelques petites informations, car en 2023, et Paul y faisait référence, il y a eu un certain nombre de communiqués qui sont sortis et qui expliquaient tout d'abord toute l'analyse critique qui avait été effectuée au sein du mouvement zapatiste des structures de l'autonomie, et ils annonçaient aussi la mise en place de nouvelles structures. Alors, sans rentrer vraiment dans les détails, d'autant plus qu'on ne sait pas exactement comment ça se passe au quotidien, étant donné que c'est assez récent et qu'il n'y a pas encore d'écrits ou de témoignages là-dessus, mais en gros, tout descend d'un degré au niveau d'une échelle hiérarchique, c'est-à-dire qu'avant, nous avions les MARES, les municipalités autonomes rebelles zapatistes, qui elles-mêmes étaient constituées de différents villages. Maintenant, en fait, dans chaque village ou dans chaque communauté, il y a un gouvernement autonome local qui, après, se coordonne avec le conseil de gouvernement autonome zapatiste, les SEGAZ, qui eux-mêmes se retrouvent dans une coordination d'assemblées de conseils de gouvernement autonome zapatiste, les ACGAZ. Il y a après l'Interzona, donc le collectif Interzone, qui est constitué à la fois de la commandance et de représentants ou représentantes des différentes sphères d'autonomie, c'est-à-dire l'éducation, la santé, la justice. On va voir comment ça évolue, on attend des retours là-dessus. En tous les cas, il est à noter, et c'est assez rare, que le mouvement zapatiste a donné à voir au monde entier les limites et son autocritique sur qu'est-ce qui s'était passé depuis qu'ils avaient mis en place donc les conseils de bon gouvernement. Il faut rajouter à ceci qu'une autre initiative a été lancée en territoire zapatiste, c'est ce qu'ils appellent El Común, le commun, où donc les zapatistes proposent, y compris aux non-zapatistes, de gérer en commun des parcelles et des parties des terres récupérées de 94. Alors c'est pareil, on a eu des communiqués, ils parlent de ça, qu'ils sont en train de le mettre en place. C'est à voir comment ça va se passer. En tous les cas, ça va un point plus loin encore que la révolution zapatiste de 1910 avec la réforme agraire qui avait été mise en place, étant donné que là, on va même plus sur de la propriété collective, mais on va sur de la non-propriété et donc uniquement de l'usage de fait sur ces parcelles, à voir comment ceci évolue et à voir comment ceci évolue en particulier avec toutes les attaques. Le territoire zapatiste est peu à peu grignoté par des initiatives portées soit par des paramilitaires, soit par le gouvernement ou les différents niveaux de gouvernement, que ce soit le gouvernement municipal, le gouvernement de l'État du Chiapas ou le gouvernement fédéral. Comme on a pu voir en octobre, ces attaques qui ont eu lieu et où il y a eu le côté où l'armée fédérale avec les forces armées du gouvernement du Chiapas ont récupéré des terres qui avaient été libérées par les zapatistes en 94. Donc affaire à suivre. Pour suivre l'actualité du mouvement zapatiste, vous pouvez aller sur le site de Enlace Zapatista. .ezln.org.mx. Tous les communiqués sont traduits en plein de langues sur ce site. Merci à Élise, Julia et Paul pour l'animation de cette table ronde. Merci au CSPCL et au CSIA ainsi qu'à la Parole Errante pour l'organisation de ces deux journées très riches. Radio Zinzine vous a présenté une histoire du mouvement zapatiste. Novembre 2025.